sortie culturelle. Culturel au Festival du cinéma en famille de Québec vous est présenté en direct du cinéma Le Clap Sainte-Foy. Bienvenue à Sortie culturelle en direct du Festival Le cinéma en famille de Québec. On est le Machin Club. Je m'appelle Pamela Bisson, je suis la directrice artistique et on est nombreux aujourd'hui à être venus découvrir les films du festival ensemble. On va vous en parler tantôt. On va également vous parler de ce qu'il y a à faire à Québec pendant la semaine de relâche pour les jeunes en famille ou entre amis. Et on va vous dire aussi nos projections puisqu'on va présenter quelques films, nous, au festival cette semaine. On a hâte de vous dévoiler tout ça. Et finalement, qu'est-ce qu'il y a à manger ici à Sainte-Foy, à la Pyramide? Les petits goûteurs vont vous en parler plus tard dans l'émission. Donc, c'est le Festival de cinéma en famille de Québec, la 8e édition, qui a lieu du 2 au 10 mars. Ça fait déjà 3 jours là, que c'est commencé. Et je suis en compagnie de Brisis, Candy et Margot. Bonjour! Est-ce que c'est votre première fois, vous, au festival? Non, je pense pas. Non. Non, pas sûr. Alors, on a quelques habitués et des initiés aujourd'hui qui ont vu des films. Qu'est-ce que vous avez vu comme film? Ben, en fait, vous allez nous parler d'un film en particulier, vous trois. Lequel est-il? Astérix, le secret de la potion magique. Voilà. Super. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ce film-là? Eh bien, c'est un film du Festival de cinéma en famille à partir de 5 ans, d'une durée de 85 minutes. Il a été réalisé par Alexandre Astier et Louis Clichy. Alors, est-ce que vous aviez vu la version... en fait, c'est un film qui est en animation, il faut le dire, un peu comme en 3D. Il est possible, je crois, de le voir avec des lunettes dans certains cinémas. Est-ce que vous aviez vu Astérix et les Jeux olympiques? Le film, oui. Ou le dessin animé. J'étais pas très familière de Astérix. C'était les 12 travaux d'Astérix, je pense. Non, c'est aux Jeux olympiques. Et là, c'est un nouveau film, une nouvelle histoire qui est aussi inspirée des bandes dessinées de Goscinny et Uderzo. Tu l'avais pas vu, non? C'est la première fois que vous voyez un Astérix en animation comme ça? Je crois. Moi, c'est pas le premier, mais c'est pas... C'est un personnage que vous connaissez. Astérix et Obélix, vous les connaissez les deux? Oui. Et qu'est-ce que ça raconte, Astérix et le secret de la potion magique? Vas-y, Margot. C'est l'histoire de... C'est Panoramix qui... Le druide. Qui tombe d'un arbre et qui se dit qu'il va peut-être devoir trouver un remplaçant. Parce que chez un druide, tomber d'un arbre, il paraît que c'est très honteux puis qu'un druide n'est pas supposé tomber d'un arbre. Fait que là, il part chercher un jeune druide avec Astérix et Obélix, bien sûr. Toujours en mission avec ses mêmes complices. Ouais. Et puis là, il arrive quand même beaucoup de choses. Puis à travers ça, il y a un autre druide qui a été un peu banni de toute l'organisation des druides un petit peu. Il veut remplacer Panoramix, puis il va faire tout pour y arriver avec des plans pas toujours très légitimes. Mm-hmm. Mm-hmm. Et c'est une histoire qui vous a plu? Est-ce que vous avez aimé le scénario du film? Oui, je trouve que c'était quand même assez poussé, mais on comprenait bien l'histoire. Donc, ça peut plaire à qui comme film? Je pense que tout c'est le monde. Très jeune. On l'a apprécié autant que toi, je pense. Fait que, je pense que en famille, ça c'est bien. Comme toute la famille, je pense que ça peut plaire à toute la famille. Puis, ouais. Est-ce que vous avez déjà lu des bandes dessinées d'Astérix? Je pense que j'en ai lu extrêmement beaucoup. Oui? Pas beaucoup. Non, j'ai même moi, pas j'en ai. Fini. Moi, je lis pas beaucoup de BD. Non, je lis pas. Je les ai pas lu. Non. Est-ce que le film vous a donné envie d'avoir plus d'aventures d'Astérix? Je pourrais. Oui. Parce qu'il y a des bandes dessinées qui sont accessibles là, à la bibliothèque. Vous pouvez découvrir encore plein d'aventures autour de la potion magique, bien sûr. Mais qui est le méchant, l'incorruptible, le méchant de Astérix? C'est César. Exactement. Il est là présent, encore une fois, dans ce film-là. Est-ce qu'il y a un personnage que vous aimez, que vous affectionnez plus qu'un autre? Moi, c'est Obélix. Ordre alphabétique. C'est lequel dans celui-là? C'est celui qui fait le poisson. Qui vend des poissons. Oui, celui qui vend du poisson. Il est présent dans l'aventure, il est très comique. Oui, c'est vrai, c'est un bouffon dans l'histoire. Toi, Margot, est-ce qu'il y a un personnage que tu aimes plus que les autres? Je pense pas vraiment. Ben, ils se complètent. Ils font que toute l'histoire est drôle. Et puis, Candy, toi, y a-tu un personnage que t'aimes plus? Obélix, il est comique Obélix, aussi. Obélix, il est fun. Ce que j'ai bien aimé de cette histoire-là et qu'on trouve pas très souvent dans les bandes dessinées d'Astérix, c'est qu'il y a un personnage féminin qui est très puissant, si on veut. C'est une petite fille. Oui, c'est vrai. Pouvez-vous nous en parler un petit peu sans dévoiler nécessairement l'histoire complète du film? C'est qui ce personnage-là? Alors, est-ce que je peux le dire? Ben oui, vas-y, okay. C'est une jeune fille qui, en fait, sa première intention, c'était de montrer une de ses inventions à Panoramix, fait qu'elle s'est glissée un peu dans leur bagage pour lui montrer son invention, puis là, elle s'embarque dans l'aventure avec eux parce qu'elle ne peut pas retourner au village gaulois. Donc, elle embarque dans l'aventure avec eux. Elle s'embarque pas juste, on n'en dira pas plus, mais très importante dans l'intrigue. Donc, moi, j'ai trouvé ça chouette de voir un personnage féminin aussi important dans l'intrigue d'Astérix. Donc, pour rappeler qu'Astérix, c'est un film qui vient de France, bien sûr. Oui. Est-ce que vous aviez noté les réalisateurs? Ben, je les ai dit. Il l'a dit tantôt. Oui, tu l'as dit tantôt? OK, de bon. Alexandre Astier et Louis Clichy. Exactement. Et c'est un film qui dure 85 minutes. Il est présenté au festival, mais pas en exclusivité. Vous pouvez le voir dans tous les cinémas à travers la province. Mmh. Ici, il est présenté en présentation spéciale par Normandin, le restaurant Normandin. Donc, vous pouvez le voir toute la semaine. Et bien sûr, c'est un des films les plus populaires du festival. Est-ce qu'il y avait beaucoup de monde dans la salle avec nous ce matin? Quand même. Il y en avait. Quand même. Ouais, Moi, je trouve qu'à 10h30 un lundi, la salle était pas mal pleine là, pour le film L'Astérix. Il y avait beaucoup de réactions, ça riait. Ah oui, c'était très drôle. Est-ce qu'il y a une scène? On a tous applaudi. Oui, c'est vrai. À la fin, on était heureux. Est-ce qu'il y a une scène particulièrement drôle pour vous dans le film? Moi, je trouve ça drôle, les scènes où le méchant un peu hypnotise ses victimes. Je trouve ça drôle. Moi, j'ai beaucoup aimé quand Astérix et Obélix se disputent entre eux. Quand ils se disputent entre eux? Je trouve ça très drôle. Un classique. Et toi, Margot? Toi, Margot, est-ce qu'il y a une scène qui te fait plus rire qu'une autre? C'est dur de retrouver des... Ben, tantôt, vous avez parlé de... comment il s'appelle? Ordre alphabétique, sinon? Oui, Ordre alphabétique, souci. C'était vraiment drôle ce qu'il faisait. Qu'est-ce qu'il faisait? On peut le raconter, ça brûle pas le punch. Il voulait devenir le nouveau dragon. Puis lui, en fait, son but, c'était juste... Il était pas très bon en potion, puis son but... Mais il essayait quand même. Hein? Il essayait quand même. Puis son but, c'était juste de faire une potion qui ne l'exposait pas, puis là, ça allait mal son enfant. Pour que le druide le choisisse. Alors, c'est des personnages qu'on connaît et qu'on aime retrouver, et même pour se sentir assez familier, ceux qui ont vu les films d'Astérix en personnages humains, c'est Christian Clavier qui fait encore la voix d'Astérix, donc on n'est pas complètement dépaysé, on retrouve l'univers, puis même les pirates sont pareils que dans les autres versions, on les reconnaît des films animés qu'on peut regarder à chaque année à Ciné-Cadeau. Est-ce que vous êtes des adeptes de Ciné-Cadeau pour Astérix? Oui. Sauf qu'ils repassent toujours les mêmes Astérix, puis au bout d'un moment, ça devient un peu énervant quand tu le regardes depuis... Alors, c'est pour ça que c'est chouette d'en voir des nouvelles versions. Alors, Astérix, c'est le secret de la potion magique à l'affiche au Festival de cinéma en famille de Québec. Et on le recommande. Oui, on le recommande. On l'a beaucoup aimé. On le recommande combien d'étoiles? Moi, je te mettrais 4,5. 4,5 sur 5. Sur 5. Même chose pour toi, Margot, ou un autre pointage? Même chose. Moi, c'est 5 étoiles. 5 étoiles. Ultime marque pour Astérix, c'est le secret de la potion magique. On va aller en musique avec une chanson. Vous savez, les trames sonores de films, c'est très important. Puis moi, j'ai cherché un petit peu aujourd'hui, j'ai regardé quelles sont les trames sonores de films qui ont été les plus populaires. Et puis j'ai regardé sur le site de Rolling Stone, puis il y en avait 25 qui étaient sortis. Et il y en a une qui m'a accrochée parce qu'effectivement, effectivement, moi, elle m'a marqué. J'ai travaillé longtemps dans un club vidéo, c'est une chose qui n'existe plus vraiment aujourd'hui, mais dans le club vidéo, je mettais des films pour avoir une ambiance sonore, et là, je mettais le film en mode replay, hein, pour avoir de la musique d'ambiance, et c'était le film The Graduate. C'est un film de 1968 avec Dustin Hoffman, qui est un classique. Et puis, toute la trame sonore est faite par Simon & Garfunkel. Peut-être que la chanson qu'on va mettre, vous la connaissez. Alors, je vous invite à bien écouter. On va écouter The Sounds of Silence. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. The halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, split the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. No one dare disturb the sound of silence. Said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell, echoing silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls. Vous écoutez Sortie culturelle en direct du Festival de cinéma en famille de Québec. Et oui, les cinépiles qui carburent au cinéma sont servis cette semaine. On a déjà vu deux films en une seule journée, ben, presque même un seul avant-midi. Et je m'appelle Pamela, je suis la directrice artistique du Machin Club. Maintenant, avec moi, j'ai Inès, Amine et Malik qui ont vu un autre film et qui vont nous en parler. Alors oui, on a vu le film Léo da Vinci, Mission Mona Lisa, un très bon film de 80 minutes, un film qui a été fait en Italie et un film d'animation. Malik, qu'est-ce que ça raconte? Parle bien devant le micro. C'est des pirates qui veulent trouver le trésor. Mais... Inès, tu veux aider Malik? À raconter ouais. L'histoire de... Léo, c'est l'histoire d'un jeune garçon nommé Léo. En fait, c'est un jeune aventurier. Il fait des bonnes aventures. Des inventions. des inventions. Oui, c'est bon, vous aidez, là. Vous avez vu les trois le film ensemble. C'est Léo, un garçon qui fait des inventions. Tout le monde connaît Léonard da Vinci, donc c'est... Mais c'est important de dire que c'est à l'âge où il était encore adolescent, peut-être? Donc, c'est Léo, à peu près à la fin du Moyen-Âge. Il se met en quête d'un coffre au trésor pour le trésor, pour aider son ami qui, elle, il y a eu un incendie dans sa maison, la pauvre, donc il faut qu'elle paye ses dettes, donc il faut que son père paye ses dettes, sinon elle va être forcée à épouser un maladroit. Il est pas beau. Épouser un idiot. Ouais. Et donc, les gens qui nous écoutent ici présents, si vous allez voir le film, on dévoilera pas toute l'histoire, bien sûr. Et avec des pirates aussi qui trouvent le trésor, c'est vous qui regarderez s'ils réussiront à le prendre, s'ils pourront choper ou pas. Exactement. Et c'est une histoire... Bon, on l'a dit, Léonard da Vinci, c'est quelqu'un qui a existé, la Mona Lisa aussi. Est-ce que vous croyez que c'est une histoire qui est inventée ou qui est basée sur des faits réels, d'après vous? Moi, je crois que c'est quelque chose qui a été basé par un fait réel parce que lui, il présente quelques-unes de ses inventions dans le film et ces inventions-là, je les ai un peu reconnues. Par Léonard da Vinci, le célèbre artiste. C'est ça. Et c'est un film de Sergio Manfio. C'est un film italien. Voilà. Et comment vous avez trouvé? C'est un film d'animation, faut le dire, hein? Oui, c'est un film d'animation, c'est vrai. Et c'est un film doublage? Oui, ben oui, c'est doublé parce que la langue originale est en italien. Est-ce que vous avez aimé l'animation de ce film-là? C'est aussi en 3D. Fait à l'ordinateur, ouais. Là, c'est pas de l'animation 2D. Oui, il y a plusieurs encore. Oui, exact. Mais vous avez vu Astérix, vous aussi, ce matin. Mm-hmm. Comment vous comparez l'animation de ces deux films-là? Moi, honnêtement, j'ai plus aimé Astérix et Obélix. Pas pour l'animation, parce que je trouve qu'il n'y a pas vraiment de différence, c'est juste les personnages et le cadre qui changent. Mais moi, c'était plus pour l'histoire que j'ai plus aimé l'histoire d'Astérix et Obélix et la comédie plus que celui de Léonard da Vinci. Est-ce que c'est un scénario qui vous a surpris ou que vous avez trouvé moins surprenant? Surpris. Ça vous a surpris? Il y a des bouts, moi, qui m'ont surpris, comme le méchant qui boum, surgit, boom. Ou qui reçoit un coup X, ça doit faire mal. OK, non, mais je parlais pas de surprendre comme un saut, mais plus, est-ce que c'est un scénario qui vous a étonné ou qui était plutôt conventionnel, que vous avez pas eu de... Vous saviez où ça s'en allait tout au long du film? Bien, il y a des choses que je m'attendais un peu, là, mais il y a aussi des choses que je savais pas, puis que j'ai pu répondre à mes questions pendant le film. Puis, est-ce que la musique était... Vous l'avez remarqué dans ce film-là? C'était... La musique, j'ai comme pas remarqué. Ça faisait bien, mais j'ai pas porté vraiment attention. Moi. Et ce serait quoi votre cote? À qui vous recommandez ce film? Inès? Aux jeunes de 4 ans et plus jusqu'à 12 ans, parce que les plus grands que 12 ans, je crois qu'ils vont trouver sa bébé, mais bon. OK, à partir entre 4 et 12 ans? Pour Astérix ou Léo? Non, on parle de Léo. OK, ben moi, Léo, je recommanderais à tout le monde. C'est sûr que les plus jeunes, peut-être un bout de l'histoire, ils ne comprendraient pas, là, mais je recommanderais à tout le monde, c'est un bon film. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, Malik? À qui tu recommandes ce film? Combien vous lui donnez d'étoiles sur 5? Combien d'étoiles? Amine, tu peux y aller? Moi, je donnerais 4 étoiles. Vous avez chacun votre note, vous n'êtes pas obligé de donner la même. Toi, c'est 4 étoiles aussi, Malik? Inès? 3 étoiles. 3 étoiles. Mmh. Alors, une moyenne de 3 étoiles et demie sur 5 pour le film. On répète le titre. Alors, c'est Léo da Vinci, Mission Mona Lisa, un film de Sergio Manfio. Et il y a plusieurs autres films à voir durant le festival. Est-ce qu'il y a un autre film que vous avez envie de venir découvrir au cinéma Le Clap Sainte-Foy ou à Loretteville? Oui. Oui, vas-y, Malik, parle bien dans le micro. Lego 2. Lego 2. Alors, c'est aussi un film que vous pouvez voir dans tous les cinémas à travers la province. Moi, j'aimerais voir Mireille, ma petite sœur, et aussi le film Lego 2. Alors, Mireille, ma petite sœur, c'est un film manga. Un animé. Un animé, oui, japonais. Moi aussi, c'est Mireille, ma petite sœur. Ce sont les films... Vous aimez les films d'animation manga? Ouais, j'aime trop ça. Oui, moi, j'aime bien ça. Ouais. Et en plus... Et c'est un film de... C'est comme... Un film de... Ça donne l'attention... Ça donne l'attention. Qu'est-ce qui donne l'attention? C'est le titre ou c'est l'image que tu vois dans le programme? L'image, le titre et la bande-annonce. T'as vu la bande-annonce? Qu'est-ce que je dis? Non, j'ai pas vu la bande-annonce. Mais t'aimerais la voir peut-être. Ouais. Et toi, Amine, tu voulais rajouter? Je voulais juste dire que c'était un film de Mamoru Hosoda. Mamoru Hosoda. Mamoru Hosoda. Je sais pas si je dis bien. Mamoru Hosoda. Mamoru Hosoda. Et puis, est-ce qu'il y a un autre film que, à part celui-là que vous avez envie de voir? Lego Ninjago 2. Mais expliquez-nous pourquoi. Qu'est-ce qui fait que ces films-là... Parce qu'il y a plusieurs films dans la programmation. Vous pouvez aller visiter le site fceq.ca pour être informé de tous les films en compétition. Il y en a 7. Mais il y a également des films qui sont présentés sans être en compétition, des longs-métrages, des programmes de courts-métrages. J'ai un deuxième que je vois te parler. Vas-y, Inès. Les aventures de Rémi, je l'aime. Ça donne l'intention de regarder. Ouais, ça, on a vu la bande-annonce. Qu'est-ce qui t'a accroché dans cette bande-annonce-là? Qu'est-ce qui m'a accroché? Ben, c'est que je sais pas si j'ai raison, mais comme son père ou je sais pas qui, quelqu'un l'amène à l'orphelinat. Comme je me demande comment il va se débrouiller pour sortir de l'orphelinat. Je crois qu'il a rencontré un sorcier, non? Oui, on voit beaucoup de choses. J'ai une bande-annonce d'à peu près 3 minutes. On voit qu'il y a beaucoup d'action dans le film. Ceux qui connaissent la série bande dessinée, le dessin animé de Rémi sans famille qui passait dans les années 80-90 à la télévision, ben c'est la version avec des comédiens. Et il y a Daniel Dauteuil qui joue le personnage du musicien ambulant qui entraîne Rémi dans ses recherches pour retrouver ses parents, parce que Rémi sans famille. Et peut-être que c'est un film qui nous tire l'alarme. Est-ce que tu aimes ça voir les films qui font pleurer, toi, Inès? Ça te rend mal à l'aise, t'aimes mieux les comédies? Oui, j'aime parce que à la fin, il y en a que ça dépend parce que il y en a que au début, il fait pleurer, au milieu et à la fin, c'est rigolo. Ça. Ouais, des fois on peut vivre une montagne russe d'émotions dans un seul film en 1h30. Alors ça veut dire que c'est un bon film qui arrive à nous faire vivre autant d'émotions en si peu de temps. On va aller en musique justement avec une chanson qui est tirée encore une fois d'une bande sonore de film. Et c'est un film des Contes pour tous qui a été tourné à Québec, alors Bac et Bottine. Et la chanson a été écrite par Michel Rivard et chantée par Fabienne Thibault. Et ceux qui connaissent les Contes pour tous et le film Bac et Bottine, vous allez vous souvenir de cette scène où les deux personnages découvrent la ville de Québec. Alors, fais-moi voir. Secret, tout en blanc, nous.

pendant la semaine de relâche et que vous pouvez trouver un tien, mais sachez que au Musée national des beaux-arts du Québec, il y a un camp de une journée, en fait, qui est de 9h à 17h. Ben, en fait, tous les jours. Tu peux t'inscrire tous les jours. Et puis, c'est ça. Et qu'est-ce qui se passe dans ce camp-là? Ben, en fait, il y a des animations, des ateliers. Il y a même le spectacle... un spectacle. Courte pointe. Oui, présenté par le Théâtre du Gros Mécano. C'est présenté par le Théâtre du Gros Mécano. Puis qu'il y a vraiment plein de choses qu'on fait pendant le camp. Donc, c'est ça. Alors, moi, je veux entendre maintenant Inès. Qu'est-ce que tu as remarqué, toi, dans la programmation du Musée national des beaux-arts du Québec qui t'intéresse? Et parle bien devant ton micro. Programme un petit robot pour qu'il se... Ah, ça, c'est au Musée de la civilisation. Qu'est-ce que j'ai dit? C'était quoi déjà la question? Qu'est-ce que tu as découvert dans la programmation du Musée national des beaux-arts du Québec que tu aimerais faire? Ben, il y a des activités que parfois ils le font. Ça me donne vraiment envie de le faire. Et... comme quoi, par exemple, il y a des ateliers de bricolage? Ben oui, comme faire des marionnettes. Il y a plein de choses à faire. Et toi, Margot, tu as regardé la programmation un peu du Musée national des beaux-arts. Qu'est-ce qui t'intéresse dans les activités? Je réponds à ma question? Je n'ai pas regardé. Ah, les beaux-arts? Le Musée national des beaux-arts du Québec, oui. Mais moi, si le spectacle Courte Pointe vous intéresse, j'ai d'autres informations. Oui, ben oui, on veut en savoir donc, plus. C'est un spectacle du Gros Mécano qui se passe du 2 au 10 mars de 10h à 17h dans le pavillon Pierre Lassonde. Et ce qu'il faut dire sur ce spectacle-là, c'est que ça fait des mois, voire même peut-être une année qu'ils travaillent là-dessus. C'est un projet de médiation culturelle du Théâtre du Gros Mécano avec toutes sortes d'autres organismes, dont à la Viva. Ils ont impliqué des gens de tous les âges et de différents milieux pour la confection de courtes pointes. Donc, c'est un peu des histoires qui se tissent entre elles. Et nous, on connaît bien ça au Machin Club, de tisser des histoires d'écriture de scénarios et d'impliquer surtout les gens pour faire des œuvres collaboratives dans la co-création. Donc, on vous encourage à aller voir ça. Il y a surtout aussi une exposition permanente au Musée national des beaux-arts qui s'appelle Murmure, qui plaît même aux tout-petits, si vous avez des plus jeunes qui veulent vous accompagner. Il y a des ateliers de bricolage et... oui. Une grande variété là, à surveiller sur le site du MNBAC, si vous voulez avoir plus d'informations. Brisé, tu veux nous proposer des activités au Musée de la civilisation? Oui! Alors, j'en ai une que... oui, c'est qu'on peut... une espèce de petit photobooth qu'on peut faire dans des environnements de Londres. On prend des accessoires et on se photographie. Ça ne coûte rien. C'est du 2 au 10 mars et c'est gratuit dans le hall d'entrée. Alors, bien sûr, en lien avec l'exposition Londres. Oui. Mais il y a toujours toutes les activités qu'on peut découvrir au MLab et les ateliers qui sont offerts. Toi, tu nous as parlé de robots tantôt, Inès. Ça, je pense que ça se passe au Musée de la civilisation. Tu veux nous en dire un mot? Oui. Programme un petit robot pour qu'il se promène sur le plan du musée. Alors ça se passe au MLab, si je ne me trompe pas. Donc, des activités de robotique que vous pouvez découvrir là-bas. Oui. Alors, ça vaut la peine d'aller découvrir ça avec vos jeunes. Et j'ai aussi une activité du Festival de cinéma en famille de Québec. Ah, on va parler un petit peu plus tard des activités du Festival de cinéma en famille de Québec. Mais un de nos partenaires et qu'on aime bien visiter à chaque fois qu'il y a des nouveaux spectacles, c'est le Théâtre Jeunesse Les Gros Becs. Oui. T'es allé dimanche, ben hier. Bien sûr. Parle-nous donc rapidement du spectacle qui est présenté pendant la semaine de relâche. Je suis allée voir la pièce du théâtre Marc Aubleu. C'est très intéressant. C'est inspiré d'une histoire de Larry Tremblay. Donc, c'est environ 4 comédiens, je crois. C'est pas mal. Il y a 4 comédiens environ. Et c'est une histoire, un théâtre de marionnettes pour toute la famille, je crois. C'est l'histoire d'un jeune garçon nommé Marco qui se fait raconter une histoire par son ami Gina. Il est assez sceptique. Et puis, un jour, sa mère lui donne un livre où il faut qu'il raconte une histoire. Et puis, il rencontre un extraterrestre qui s'appelle Marco Bleu. Donc, à travers tout le fait qu'il est fâché à cause de la naissance de sa petite sœur, Marianne Elena, ben, il rencontre l'extraterrestre qui lui montre son monde puis découvre en fait que il aime beaucoup sa planète et sa famille. Et c'est un spectacle qui s'adresse à toute la famille? Oui, oui, c'est vraiment amusant. Je pense que tu as aimé ça autant que tout le monde autour dans la salle. À partir de quel âge, d'après toi, est-ce que ça peut faire peur aux plus jeunes? Certaines marionnettes, oui. Il y en a qui sont assez imposantes, mais... Il y a des marionnettes géantes, il y a des marionnettes... avec des yeux spéciaux. Oui, il y a des marionnettes de toutes sortes et très ingénieuses, bien sûr. C'est un spectacle du Théâtre de l'œil. Je ne sais pas si on l'avait mentionné. Non, j'avais pas mentionné le Théâtre de l'œil, oui. On a eu une discussion avec les comédiens après, puis on a appris que ça avait pris 270 heures de répétition. Et puis, c'est très technique ce qu'ils font, parce que des fois, ils sont à une marionnette à deux. Donc, oui, on en a parlé hier dans notre émission. Donc, si vous ne l'avez pas écouté, écoutez-la en balado, parce que c'est intéressant, il ne faut pas la manquer. Alors, l'émission du Marchand Club, partout où on va, qui est tous les dimanches de 19h sur les ondes de CKRL 89.1. On vous parle, avant de repartir en musique, très rapidement d'un court-métrage que nous allons présenter ici au Festival de cinéma en famille de Québec, ce mercredi, dans le programme de La Relève. On y présente plusieurs courts-métrages, mais on en présente un dans lequel vous avez participé les trois, les filles. Alors, Inès et Margot, vous êtes comédiennes dans le film, puis Brice, t'es assistante réalisatrice. Oui. C'est quoi ce film-là, rapidement, là, parce qu'on a quelques minutes encore. La Villa sans bruit, c'est un projet qui dort dans son cocon depuis très longtemps, puis on a enfin réussi à le réaliser cet automne. Margot? Parle-nous un peu de l'histoire. C'est l'histoire d'un garçon qui est un peu une brute, mais qui est un peu... Il est un intimidateur dans une école, et toi, tu es le personnage de... Moi, je suis Jeanne. Je suis la personne qui essaie De faire cesser ça. Toi, t'es pas contente de... Oui, exact. On peut pas tout dévoiler. C'est un court-métrage. C'est pas long de raconter toute l'histoire. Ouais. Hein. Mais Inès, toi, tu joues quoi dans ce film-là, rapidement? Un fantôme, le rôle d'un fantôme. Est-ce que c'était épeurant, jouer ce rôle-là? Non. Mais on peut dire que tu faisais assez peur. Je faisais trop peur. Fait ça sur écran vert. Et grâce à nos collaborateurs artistiques, Pierre-Marc Laliberté et François Mercier, on a réussi à terminer le film et on peut vous le présenter ce mercredi. Alors, réservez vos billets pour la projection d'un programme de La Relève, mercredi 6 mars à 19h20. On va aller en musique encore avec une musique de trame sonore d'un film qui date de 1996. Et, bon, j'étais un petit peu plus vieille que vous déjà, mais on va dans la thématique du spectacle de Marco Bleu dans l'espace. Alors, on va avec la pièce Space Jam, qui est de plusieurs artistes. Everybody get up, it's time to slam now. We got a real jam going down. Welcome to the Space Jam. Space Jam. Here's your chance, do your dance at the Space Jam. Alright. Go! Écoutez Sorties culturelles en direct du Festival de cinéma en famille de Québec. Je m'appelle Pamela, je suis la directrice artistique du Machin Club et nous avons investi le Clap Sainte-Foy aujourd'hui pour vous parler de ce qui se passe ici pendant la relâche. Alors, je suis en compagnie de Margot, Amine et Bonjour. Kenzie. Salut! Allô, vous autres. On a des courts-métrages à présenter. On en a parlé plus tôt du court-métrage La Villa sans bruit, mais on présente également des courts-métrages qu'on a fait avec le projet Apprenti Maestro. Oui. C'est un projet de création de courts-métrages en collaboration avec l'Orchestre symphonique de Québec. On va y présenter des courts-métrages qu'on a fait l'année dernière. Alors, Les orphelins en cavale musicale et Les petits musiciens. Et on vous dévoile en grande exclusivité, si tout va bien, parce que c'est pas encore complètement terminé. Oui, exactement. La bande-annonce du prochain court-métrage. Ben, en fait, non. La bande-annonce inspirée du thème du prochain concert famille de l'Orchestre symphonique de Québec, qui s'appelle, Margot, tu peux nous en parler, puisque tu es l'apprenti maestro. Alors, l'apprenti maestro, c'est en fait l'assistant réalisateur du projet. Alors, vas-y, pour nous raconter peut-être rapidement quel est le scénario du film et comment c'est pris pour tourner. Je me rappelle plus trop du titre parce que... Alors, le titre, c'est « Langage universel ». Oui, non, j'avais juste un mot. Oui, « Langage universel », ben... En fait, ça va être... C'est l'histoire... Qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire d'une fille qui découvre l'histoire d'une sonde qui a été créée quelques années plus tôt. En fait, longtemps plus tôt. Alors, on s'est inspiré d'un fait réel. Hein? En 1977, ouais. La NASA a envoyé le Voyager dans l'espace avec un disque doré qui contient quoi dessus? Amine et Kenzie, vous pouvez compléter puisque vous participez vous aussi au projet. Qu'est-ce que c'est le Golden Record? Selon ce que j'ai compris, c'est quelque chose qu'ils ont envoyé. C'est un disque qu'ils ont envoyé. Qu'est-ce que le disque contient? Et il contient des musiques, je crois, de la Terre, de la planète Terre, des chanteurs. Et là, leur but, c'était de faire connaître la planète Terre aux extraterrestres, si ça existait. Donc, que les extraterrestres viennent, trouvent ça et trouvent la planète Terre. Voilà. Alors, c'est une trace, c'est comme une archive, c'est notre patrimoine de l'humanité, des images, des sons, de la musique. Mais les gens qui ont confectionné ce disque-là à l'époque ont décidé qu'ils allaient omettre certaines informations sur l'humanité. Donc, on ne parle pas de guerre, il n'y a pas d'image de guerre, de famine, de violence, de crime, de religion. Tout ça n'est pas dans le Golden Record. Alors, tout ça nous a inspiré avec le thème du concert de l'Orchestre symphonique, Isabella et le langage universel. Alors, le concert raconte l'arrivée d'une martienne qui découvre la musique à travers la planète avec un chef d'orchestre. Alors, on a gardé l'élément d'extraterrestre, on s'est inspiré du Voyager Golden Record, et puis on a simuler une correspondance entre notre personnage principal qui correspond avec une Indienne qui fréquente l'école Jeune Musicien du Monde en Inde. Et donc, les deux ensemble vont essayer de communiquer avec les extraterrestres avec une nouvelle sonde, imaginée avec les technologies d'aujourd'hui, puisque la sonde avait été créée en 1977 et que ça a beaucoup évolué depuis. Donc, on a tourné ça il y a quelques semaines et on vous le présente en exclusivité au Festival de cinéma en famille de Québec mercredi. Et ce sera ensuite là, sur notre chaîne YouTube avant le concert de l'Orchestre symphonique. Est-ce que tu as aimé ton expérience d'apprenti maestro? Oui, j'ai beaucoup aimé. Aussi, j'ai découvert certaines choses que je savais pas. Comme quoi? Mais moi, je savais pas combien de temps ça prenait de monter, et j'ai découvert que c'était vraiment long par rapport à ce que je pensais. Alors oui, faire le montage, c'est un gros travail. Et puis, Amine, toi, tu as été apprenti maestro l'année dernière et tu as eu la chance d'aller en Espagne pour présenter le court-métrage « Les orphelins en cavale musicale ». Tu as fait partie d'un jury là-bas. Alors, la section animation avec des jeunes. Comment ça s'est passé? Raconte-nous ça rapidement. On a quelques secondes. Bien, là-bas, oui, je suis allée pour présenter le court-métrage qu'on a fait, La Villa sans bruit. Les orphelins en cavale musicale. Les orphelins en cavale musicale, excusez-moi, dans le festival du cinéma en Espagne, à Valence, Missé. Et connaître le directeur Joseph. Et ton expérience de jury, comment ça s'est passé? Ben en fait j'ai vu plusieurs courts métrages dans la partie animation et j'ai dû mettre des commentaires et noter sur 3 étoiles mon appréciation sur chaque court métrage. Alors au Festival de cinéma en famille de Québec, il y a également des films en compétition. Il y a 7 longs métrages, puis il y a également des programmes de courts métrages qui sont notés par le jury. Il y a un jury de jeunes, 3 jeunes, puis un jury professionnel de 3 personnes qui vont écouter des films toute la semaine et les prix vont être mis, je pense, aux soirées. Je pense mercredi, le 6 mars, ou peut-être que je me trompe, mais il faut consulter la programmation du Festival de cinéma en famille de Québec pour avoir plus d'informations. Allez au fcq.ca. Alors, on veut vous parler de ce qu'il y a à manger ici à la pyramide parce que ça sent, il y a toutes sortes d'odeurs ici. Alors, les petits goûteurs s'en viennent. Toujours sortie culturelle en direct du Festival de cinéma en famille de Québec. On est à la Pyramide à Sainte-Foy. Il y a beaucoup de restaurants ici. Il y a plein de choses à manger. C'est un centre d'achat quand même, un petit centre d'achat. Un petit centre d'achat. Et qu'est-ce que les petits goûteurs aimeraient découvrir ici? Alors, on rappelle, les petits goûteurs, ce sont des foodies du Machin Club qui se font inviter dans les restaurants et qui commentent leur expérience, comment les jeunes sont accueillis ici. Et il y a plusieurs possibilités ici, si jamais on revient. Qu'est-ce qui vous a accroché rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps? Eh bien, on a noté quand même beaucoup de restaurants. Et moi, chacun, vas-y, Amine. Ben moi, j'avais 2 coups de cœur. C'était la boîte à pizza qui, comme dans le titre, il y a des pizzas, c'est ça comme qui m'a plus attirée. Et chez Victor, qu'il y a au Clap. Donc, j'aimerais ça essayer leur burger et leur poutine. Alors, chez Victor, c'est un restaurant qu'on connaît bien parce qu'il y a plusieurs succursales. Eh bien, moi, je suis jamais allée manger chez Victor, mais on me dit beaucoup de bien de là. Enfin, je pense que j'aimerais ça découvrir qu'est-ce qu'ils servent là-bas. Et puis, j'ai aussi Salad Shops, comme un peu plein de sandwichs, de salades, de toutes les affaires-là. Ça a l'air bien quand tu veux manger rapidement. Un petit lunch. Et toi, Candy, as-tu quelque chose qui t'a accroché? Ben, moi, c'est chez Victor. Ah, toi aussi? Ouais. Ben, en fait, non, coup de cœur. Non, c'est juste moi qui a proposé cette idée, puis Amine a décidé qu'il voulait prendre ça aussi. Et mon deuxième, je pense, c'est Fritz. Chez Fritz, mais vous avez mangé là ce midi, non? Ouais. Qu'est-ce que vous avez mangé? Moi, j'ai mangé un burger. Un burger, mais c'était pas de la viande, mais c'est un burger végé? Poulet. Non, c'était du poulet. Poulet croustillant. Ouais. Alors, il y a plusieurs possibilités pour se rafraîchir, manger des trucs glacés même. Ah oui, il y a aussi des restaurants mexicains, il y a des cafés aussi, comme des choses comme ça. Il y a un restaurant de tartare. Oui, des restaurants de tartare. Il y a des sushis. Oui, il y a des pâtes. Des affaires de même, café Starbucks. C'est pas tant un centre d'achat, c'est un centre de restauration. Non, c'est ça. Il y a plein de restaurants. Plusieurs restaurants qui font un restaurant. Donc, on espère qu'ils nous écoutent. Vous les avez invités à nous écouter. Oui, juste Salad Shop. Chacun individuellement. Juste Salad Shop? Oui. Bon, alors, Salad Shop, si vous nous écoutez, invitez les petits goûteurs. Ils ont envie de parler de votre restaurant. Ça a l'air tellement bon, là. Puis on aime bien s'alimenter aussi. Alors, Salad Shop, je vous remercie d'avoir fait ce choix-là, n'est-ce pas? Alors, merci les petits goûteurs pour cet aperçu de qu'est-ce qu'il y a à déguster et découvrir dans la pyramide ici à Sainte-Foy. Mm-hmm. Maintenant, les cinépiles vont être de retour parce que c'est pas juste des films qu'il y a à voir et à faire ici au Festival de cinéma en famille de Québec. Et on veut savoir qu'est-ce qu'il y a comme activité. Donc, on retrouve les cinépiles. Les cinépiles sont dans la Toujours sortie culturelle en direct du Festival de cinéma en famille de Québec. Je m'appelle Pamela et maintenant, toujours en compagnie d'Amine Kendi, Malik se joint à nous pour nous parler de ce qui se passe au Festival de cinéma en famille de Québec. Vous avez dépouillé la programmation pour nous trouver les meilleures activités à découvrir et à faire dans les prochains jours. Parlez-nous-en, Amine, vas-y donc. Alors, il y a une activité de stop motion, donc tu crées ta propre histoire en faisant image à image, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, c'est vraiment, tu bouges les personnages pour créer une histoire, pour après voir le final que tu as fait. Donc, c'est mercredi le 6 mars à 13h au cinéma Le Club de Sainte-Foy et vendredi 8 mars à 10h30 au Club de Loretteville. Oui, parce qu'il faut bien consulter la programmation. Il y a des activités dans les deux lieux. Il y a même des activités au Musée national des Beaux-Arts. Il y a même des activités au Hilton, ceux qui sont intéressés à voir une projection puis à profiter de la piscine extérieure qui est sur le toit puis on peut se baigner là l'hiver. C'est vraiment chouette. Et il y a la nuit pyjama, là, la soirée pyjama au musée, qui est toujours très populaire et populeuse. Il y a beaucoup de monde qui aime ça, aller regarder un film en pyjama. Et vous, Kendi, je vous vois. Qu'est-ce qui vous a attiré dans la programmation, mon cher? Parle devant le micro, pas sur le côté. Le VR. C'est quoi ça, le VR, pour ceux qui connaissent pas? La réalité virtuelle. En fait, c'est le casque de réalité virtuelle. Alors, il y a des casques de réalité virtuelle qui sont mis à notre disposition. Mais qu'est-ce que tu peux voir c'est quoi l'application à l'intérieur? C'est BD 3D, je pense, mm-hmm. que ça s'appelle comme ça. Et en fait, c'est une BD, je sais pas, mais il y a beaucoup de BD connues normalement. Il y a la Jean-Jean que vous êtes censé connaître. Ben, si je ne me trompe pas, c'est toutes des BD québécoises, non? Oui, il y a Biodôme, il y a la Jean-Jean, il y a... La Dragouille. Il y a Dragouille, ouais. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est interactif François. Ou tu fais, t'es passif? Là? Moi, je ne l'ai pas essayé. Ben, en fait, c'est... Ben, vas-y, Candy, là. Ben, c'est passif. C'est passif, tu fais juste regarder qu'est-ce qui se passe, tu peux pas intervenir puis donner une tape au visage à la Jean-Jean. Non, je t'en ai de te voir. Mais c'est comme des dessins en fait. Quand tu tournes la tête, tu vois la Jean-Jean derrière toi, mais sauf que tu peux pas le toucher. Tu peux pas le toucher. Mais c'est quand même très très très amusant parce que quand comme par exemple les dragouilles, c'est comme si c'était une vidéo qui marchait, tu sais, parce que tu vois les dragouilles apparaître, bouger en haut de tous les toits des bâtiments, puis là t'as l'impression que t'es tout à fait mini comparé aux dragouilles, c'est ça. Alors c'est immersif. Et toi Malik, qu'est-ce que tu veux faire dans les activités du festival? Parle bien devant le micro. Faire les ateliers, faire l'atelier de la Jean-Jean, en fait. C'est quoi l'atelier de la Jean-Jean? C'est un atelier de doublage, c'est ça? Ouais. Et est-ce que tu sais, c'est quoi le doublage? C'est une langue par-dessus une autre langue. Exactement. Alors, c'est comme le film qu'on a vu, Léo da Vinci. Léo da Vinci et la mission Mona Lisa. C'est un film qui vient d'Italie. Alors, la version originale est en italien. Et par-dessus, une version française qui a été ajoutée. Et ce sont des comédiens. On a déjà rencontré des comédiens qui font le doublage plus tôt cette année. Ben, en fait, en 2018, là. Tu t'en rappelles, Kendi? Non. Avec la course des tuques? Ben oui, voilà. Oh non, je m'en souviens plus. Mais oui, je m'en souviens. Alors, toutes sortes de belles activités à découvrir au Festival de cinéma en famille du 2 au 10 mars. Consultez le site web fceq.ca et écoutez Sorties culturelles toute la semaine pour avoir des entrevues exclusives. Alors, de 16h30 à 17h30 en direct du CLAP Sainte-Foy. Merci pour votre écoute et écoutez partout où on va à l'émission du Machin Club à 19h. On vous parlera des autres films qu'on a vus cette semaine. À tous les dimanches. À tous les dimanches 19h. Merci à vous les gars et à toutes les filles qui étaient là aussi et qui se promènent maintenant dans le cinéma. Ça fait plaisir. Merci. Bonne semaine de relâche. Merci. Sortie culturelle au Festival de cinéma en famille de Québec vous a été présentée en direct du cinéma Le Clap Sainte-Foy. Le Radiothon de CKRL, c'est les 29, 30 et 31 mars prochains. L'objectif est de 42 000 $. Soyez solidaires en contribuant financièrement au développement de votre radio communautaire. Devenez membre au coût de 25 $ avant le 29 mars 17h et courez la chance de gagner le prix loisir d'une valeur de 150 $ de la boutique Le Pédalier. Vous voulez devenir membre? Allez sur ckrl.qc.ca ou au 418-640-2575, poste 201, ou encore passez à la station au 405 3e avenue Limoilou. Votre soutien demeure essentiel. Merci d'écouter CKRL. Le Palais Montcalm vous offre le meilleur du jazz avec Omar Sosa et Sekou Keita. Le pianiste Omar Sosa vient présenter les pièces de l'album Transparent Water en compagnie du joueur de cora Sekou Keita et du percussionniste Gustavo Ovales. Les trois hommes nous offrent un répertoire mélodique tout en délicatesse où se mêlent voix et improvisation. Le 13 mars, vivez la musique à son meilleur avec Omar Sosa et Sekou Keita. Détails au palaismontcalm.ca. Tu voudrais que le territoire te prenne en cuillère la nuit. Tu voudrais le plus beau French boréal. T'attendre sur une île au milieu du fleuve. T'agrandir le regard dans ce qui t'appartiendra jamais. Premier acte, en collaboration avec la Caisse des Jardins de Québec et les Bambines, présente Untouched Land, alias Toi puis ta solitude en sachet déshydraté. Un spectacle multidisciplinaire mélangeant cirque, théâtre et musique. À voir du 12 au 23 mars à Premier Acte. Pour plus d'informations ou pour l'achat de billets, consultez premieracte.ca.